Les mi-phases et terrasses et des nazes faciles. Effacer les salles au kebab sur le mic, on se les farcit. Partir loin, j'aurais pu, je l'ai fait, je suis revenu. Fêter la fin des faibles et faire de l'effet nunchak. Ça va décalquer tes oreilles. T'es là pour voir du show, on est vu réclamer notre oseille. Non, c'est bugs et je blague. Je suis ici juste pour la scène, si, et pour draguer. D'ailleurs, car chez les nids, avec de l'herbe fraîche, toujours faire d'une paire de couches, cherche vide avec une paire de fesses. Voilà la green et je suis le best, me teste pas à l'aise. Tombé, tu vas retourner ta veste, je suis Jeep cool, tonton, me laisse le micro. Un petit con, canton, mais allez, le mytho. Pliqué, car y'a l'avenir à préparer. Je suis pas un piqué de bar, j'ai même pas dit à foirer. Je kick le mic tous les jours de la semaine. Si je pète le score et manie mon art avec avis blessé pour que ça saigne, on est des paquets sur le chromie. Et je sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, je suis au taquet, c'est promis. Gros, je mise sur ma propre personne comme un fou qu'un OG. S'agit d'aller vite, non. Mais tout ce temps, on se rend toujours. fiers comme des pigeons, bêtes comme des pigeons, fauchés, obèses comme des pigeons. Et on se croit en démocratie alors qu'on entoure même chaque mur et chaque barreau de notre prison. Des pigeons, on avait du pouvoir, viens on fume un joint dans un commissariat juste pour voir. Ouais, les 58 votes, c'est bien mon pote, mais dans l'isoloir c'est le trou noir. T'es un bon pigeon, tu mérites pour des parties dont l'élite te chie dessus. Comme si c'était eux les pigeons, leur religion influence, domination, pour que le respect nous exige. Crois-tu vraiment que t'as écouté le peuple? Crois-tu vraiment qu'assurément les lois sont tout au top? Pigeon, t'es un bouffon si tu crois que ces fils de travail pour ton bien, alors c'est eux qui font plater le galop. Par de crise, qui prend les décisions? Par le peuple, une bande de fous avec une drôle de vision, pense à savoir mieux que nous. Où se trouve la raison? J'accuse nos représentants d'être élus par la télévision. Vas-y, vote, vas-y, crois que tu pèses. Vas-y, vote, mais dans le fond c'est toi que tu baises. Allez, baisse ton froc, de toute façon, quoi que tu mènes dans l'urne, dans leur chiotte, c'est toi que tu gères. Tu te sens rebelle, parce que t'as canaille. Tu te carottes, mais t'es content, t'as fait ta quenelle. Du 169, ces bâtards ont serré les seufs, t'as perdu ton taf, bref. T'as compris que là, mais vas-y, vote, vas-y, crois que tu pèses. Vas-y, vote, mais dans le fond c'est toi que tu baises. Allez, baisse ton froc, de toute façon, quoi que tu jettes dans l'urne. Bref, pas toi va te miettes, pigeon. Genre d'ici quelques années seulement, je pourrais faire un move et me décaler. j'ai toujours été un félin, le petit filou fêlé. Fallait me filer dans la foule, il me faut filer en tel un feu. Follet, j'ai bien failli foutre ma bille en l'air à force de flâner dans les gouttières. Frôlant la folie, viens donc écouter miauler le soir. Pour savoir le type de lait que je te conseille de boire, c'est pour les jaguars. Porterrier par sachant qu'en cherchant la gloire, on finit enterré quelque part. Donc je fais moins de sport, plus de philo. Et je bouge juste mes deux fois 100 kilos afin d'éviter que mes muscles 100 kilos. Je m'amuse, mais j'ai plein de kilos. Thank you.

Thank you. carotte, Lionel, j'ai que le droit de me faire enculer. Parce que je vote pas, j'ai pas d'appui, qu'est-ce que je dois brûler pour m'exprimer. Déprimé, je suis pas sûr de pouvoir reculer. Ramenez vos culés, soi-disant démocrate, soi-disant juste, soi-disant vraiment, j'ai pas 10 ans de plus. Ça en fait 10 que j'ai capté la blague. Et 22 fois, ça qu'on nous fait passer le viol pour de la drague. Quoi, je suis pas assez clair, je vise l'état, et dessus lâche de grosses glaires. Laisse frère, je vais pas attendre d'être 6 pieds sous terre pour expliquer aux asticots tout ce qu'on aurait pu faire. Hein? Faut que je soigne mes douleurs à l'herbe. Parce que y'a des jours avec, des jours sans. Des jours tu pètes les plombs, des jours tu souris en dansant. En y repensant, ça fait des jours que j'ai le cerveau en sang. Y'a des jours avec, des jours sans. Y'a des jours avec, des jours sans. Relâche, détruit la planète qui gâche la fête. Qui te dit de kill pour quelques piécettes? Les gars s'arrachent la tête. Moi c'est pour le kiff que je veux presser ma galette. Pour le kid que je checkais dans la glace. Pour te dire que je veux pesquer ma gazelle. Pour le pire et le best, t'emmener dans l'espace mademoiselle. Mais rapper sans amertume, comment je pourrais? J'en perds ma plume comme un comment je pourris, commence pour rire. On verra où ça va, mais me laisse pas courir comme les fucking States après Oussama. Malgré tout ça, moi je fais des commandes, je souris. Pas silencieux, propose d'impatience. Mais je crois que si on se laisse une chance, y'a des chances que la chance à pleine dents nous sourit. Même si y'a des jours avec, des jours sans. Des jours tu pètes les plombs, des jours tu souris en dansant. En y repensant, ça fait des jours que j'ai le cerveau en sang. Il était temps que je prenne le micro pour pouvoir vous dire avec à quel point j'aime le sud et la chaleur. J'aime l'air pur et la saveur d'une soirée de bâtard avec les potes sans trop calculer l'heure. Le sud c'est ma maison, yo. L'été c'est ma saison, je me perds entre folie et raison. C'est lui qui fait la liaison, désolé pour Vitrolles, Orange, Toulon. Mais bon, faut croire que le soleil tape plus fort sur la tête des cons. Ta tête des pions qui répètent des leçons. Mais je vais te mettre des nions parce que moi et ces mecs craignons check, peignons les façades à l'amour que ça pète les fions. De ceux qui voudraient nous la mettre, soyons honnêtes. Faudrait qu'on te jette à l'ombre, à l'errant, le soleil. Facho, y'a des renois dans tes combles, marchands de sommeil. Le paradis sur terre existe, ramène tes sœurs si t'es pisse. Va vivre ailleurs si t'es sistra. Le sud, je l'aime, c'est sûr. Malgré ses défauts, je t'assure, agresser les faux messieurs quand le soleil tape dur. Caresser les mots tout en suant comme un bagnard. Je te fume en plus en filant, tuant comme le cagnard. sur ton cou ne me rendra pas triste. Tôt ou tard, faudra que t'arrêtes de faire le bâtard. Tôt ou tard, faudra que t'arrêtes de croire que tu es un bœuf, mec, tu n'es qu'un tétard. Tôt ou tard, faudra que je me trouve une meuf pour pas finir taré. Mais tôt ou tard, la route tourne à ce qui paraît. Donc tôt ou tard, je vais penser au passé et ça me fera marrer. Le savoir, c'est le pouvoir. Et maintenant, je sais qu'il n'est jamais trop tard. Sur le mic, tous les farcir, partir loin. J'aurais pu, je l'ai fait, je suis revenu. Fêter la fin des faibles et faire de l'effet nunchak. Ça va décalquer tes oreilles. T'es là pour voir du show, on est venu réclamer dans vos ailes. Non, c'est bugs et je blague. Je suis ici pour la scène, si, et pour draguer. Y a-t-il une mise avec de l'herbe fraîche? Toujours faire d'une pierre de gros, cherche weed avec une pierre de fesse. Envoie de la green et je suis le best. Me teste pas, laisse tomber, tu vas retourner ta veste. Je suis un type cool, tant qu'on me laisse le micro. Un petit con quand on met à l'aise le micro. Compliqué, carrière, l'avenir à préparer. Je suis pas piqué de barre, j'ai même pas de vie à foirer. Je kick le mic tous les jours de la semaine. Si je mets le score et manie mon art avec habité, c'est pour que ça saigne. On est des paquets sur le chromie. Et je sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, je suis au taquet, c'est promis. Gros, je mise sur le comme on fait pas mon titube. On se laisse vers la boussole, mais faut dire. Trop de voix qui menace ma folie. Je vais la percer des tympans, je dis ça pour rester poli. Continue de lutter malgré l'hiver, on boit. L'hiver, on voit la vie d'une autre manière. Et même nos frères s'envoient en l'air, c'est l'enfer. Malgré les pètes, on continue de fumer. Malgré les pertes, on continue de lutter. Saoulé à la boisson, je suis dans le caca comme un poisson. J'ai la passion, garçon, pour moi ce sera Rome, ananas, glaçon, action. J'ai déjà trop picolé, mais passons de suite à la suite. Vite, c'est l'heure de bricoler un yax, non. J'avoue, je me suis gouré, partout, je me suis fourré de route. Et puis finalement, je me suis tourné. D'artiste avant de tourner. J'ai glitché le mic quand j'arrive complètement bourré. Teste quelques phases conscientes, c'est mort. Laisse-moi faire ça, les gros triple B de mon port. C'est fort, on pète le score. Attends, mais faut que t'entendes, c'est mortel quand les frères du triple B m'apportent du réconfort. Et j'aime quand ça fait des coups. À ce coup, toi, bouge quoi, comme en classe. Je veux que tu lèves le coup. Quoi, t'es fou, quoi, tu fous quoi. Je suis content de t'en aller les voir. Malgré les pertes, on continue de lutter. Saoulé à la boisson, je suis dans le caca comme un poisson. J'ai la passion, garçon. Pour la